Alors, on n'a pas le temps de voir tout ça dans le détail, mais prenons-en quelques exemples. Qu'est-ce qui, en islam, ne change pas? Principe universel qui ne change pas. Mettons en évidence, pour ce soir, trois dimensions. La première, c'est qu'il y a une chose qui ne change jamais, qui est partout présente. Tu peux être à Tombouctou, à Annemasse, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à Washington. Le principe du tawhid ne change jamais. La ilaha illallah, c'est partout pareil. Comme tu le vis ici, tu vas le vivre partout. Il y a un Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre, il est unique, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, rien ne lui ressemble, il est celui qui entend tout et qui voit tout et qui entend tout au-delà de tout ce qui peut être entendu et vu, et donc il est un. Le principe de l'unicité divine.